dit comment, on dit pourquoi. Le monde il va changer. On est aveugle, on n'y croit pas, sans jamais s'arrêter. On dit qu'on ne sait pas, on dit qu'on n'y peut rien, et on s'y tient. On dit un jour, on dit toujours, mais on n'a pas bougé. On veut savoir, on veut pouvoir, sans jamais se mouiller. On dit ça passera, on n'est que va-et-vient, et on s'y tient. On n'est pas tous pareils, seulement nos différences. On n'est pas tous les mêmes, seulement nos différences. On n'est pas tous pareils, seulement nos différences. Oui, seul. On dit allô et on se jette, sans savoir où on va. On voit le beau mais on est bête. Qu'est-ce qu'on fait encore là? On a froid en hiver, on a chaud en été, mais où aller? On n'est pas tous pareils, seuls dans nos différences. On n'est pas seul, tous les mêmes, seuls dans nos différences. Savoir ce qu'on fera demain. Vol, vol, vol.